les marques pour ceux qui sont contenteux. Voir un directeur est pleinement contenteux. Dis-moi qui m'en veut, dis-moi c'est qui c'est merdeux. Quand son colloque est canteux, ouais, arrête un peu, même si t'es tenté. Ouais, on est 22 derrière les villes teintées. J'suis resté sur le cul quand j'ai vu changer. Quand j'ai vu changer, il parle pas, franchement, il me dégoûte. Et ceux qui me connaissent pas, falloir qu'ils m'écoutent. J'avance qu'avec les vrais frères, on sert l'écoute. Ma musique au complet, comme un stade de foot. J'avance avec le cœur, mais j'encaisse les coups. J'avance avec le cœur, mais j'encaisse les coups. Quand des conneries Facebook, ils se mettent la corde au cou. Ouais, ils se mettent la corde au cou. On aurait été ma réussite, mais je les rends fiers. J'irai toujours au bout de mes rêves jusqu'à commentaire. C'est pour toutes les prisons France, fleurie Nanterre. C'est pour toutes les prisons France, fleurie Nanterre. Tranquille, je veux ma bœuf. On est toujours à l'affût quand on sent que. Ce bâtard m'en vit, ce bâtard m'en veut. Il s'occupe de ma vie, bah autant que. Moi je m'envoie se faire foutre, ce gros fils de pute. Moi depuis le début, tu sais que je vise le but. Sur le grand-père Neymar, moi t'aimes si je les bute. Sur le grand-père Neymar, moi t'aimes si je les bute. Elle m'a reconnu, mais j'ai le même. J'suis dans mon truc, j'suis détendu. Ne fais pas non boucané, c'est trop dans la bulle. Confiance, j'avais trop vu. M'éloigner de cette pute, j'aurais peut-être dû. Pour que tu restes sur le courant, mais l'on m'a pas lu. J'aurais pas ouvert ma gueule si j'aurais pas su. J'ai envoyé sur la semaine, reste à la vue. Bah ouais, j'suis là qui l'aurait cru. Bah ouais, j'suis là qui l'aurait cru. Et si j'compte le poids de mes péchés sans mon dos, ça c'est en kilos. J'ai crié, j'ai roulé, j'ai fumé. Inch'Allah, 15 jours, on gagne le loto. J'pars de bas, j'ai tout check, j'fais de la thune. En espérant finir en haut. On n'est pas des mythos, le billet m'a coûté, ouais, le prix ton auto. Elle m'a reconnu, mais j'ai. Je suis dans mon truc.